Quelque chose avance dans l'ombre en silence, à l'abri des regards. Cette chose ne se montre pas. Pas encore. Mais elle gagne chaque jour en puissance. Vous devez être prudent. Nous allons entrer dans les terres sauvages. Soyez sur vos gardes. Bienvenue dans ma tanière, l'ambiance n'y est pas allègre. La voix mère issue tout droit de l'entrée des ténèbres. Les façons sombrées à ma manière, je les claque sec. À chacun sa part d'ombre, mec, faut que tu l'acceptes. La mine s'étend de jour en jour et me force à briller. Et les miens me poussent en affirmant que l'effort va payer. Frérot, c'est dans l'orage que mon rap est né. Range ta mauvaise langue, je vais tout de suite te la faire ravaler. Depuis enfant, je vis en connexion avec l'au-delà. Trop de questions sans réponse, ouais, friter mes couches de lac. Moi, je me demande sans cesse, faut-il que je bouge de là? Je vais pas te mentir, mon frère, et ouais, je doute de moi. Mais je suis un battant et tu me feras pas au bout de la corde. Demande à Syntaxe, pourquoi fallait que ça sorte? Parce que c'est pas la fête en fait, et ça me désole. C'est tellement le bordel dans ma tête que je pourrais rapper dans le désordre. Ok, mon rat frère, n'est pas souvent clair, plutôt sombre, gère dans les ténèbres en quête de lumière. Les couleurs se sont fait la mal à croire qu'il n'y a que l'ombre qui maille. Le cœur marqué l'entaille, mon rap sort de mes entrailles. Okay, mon rap frère, n'est pas souvent clair, plutôt sombre, gère dans les ténèbres en quête de lumière. C'est, j'avoue que je m'y plais même parfois, non, je m'en sépare pas. Même si dans la vie je ne t'en parle pas. N'aie pas peur si tu as osé descendre dans le royaume des cendres. T'as le bonjour du sang s'il t'envoie des rimes incandescentes. Entre dans mon antre. Si t'as de quoi lutter dans le ventre, ne cherche pas la lumière. La grisaille est omniprésente, les éclaircies sont rares ici. Je dirais même rarissime, mais d'ordinaire on pourrait me croire ravi. Si c'était le cas, je serais pas déçu. Assis écrire mes récits, à me demander comment ce serait si elle n'avait pas lu partir d'ici. Comprends, c'est pas la forme, donc impossible que je la ferme. Sur mon épiderme, je cache un homme que tu connais à peine si. Je crame la scène si. C'est que je suis sensible, sous tension même entouré, je me sens si seul ces temps-ci. Certains voudraient me voir plus souvent souriant, et je les comprends, je me rends compte qu'en fait je tire souvent la gueule pour rien. Je râle sur la vie, je lui en veux depuis enfant, mais t'inquiète pas, je lâche pas, je l'attendrai au tournant, hein. Naufrage en abîme de honte de la force vitale. Déjà en pensée, elle est parjure, assassine, elle répand coupablement le sang. Elle est sauvage, excessive, brutale et cruelle, traîtresse. Il utilise des mots qui suscitent l'émotion. Et ces mots, qu'est-ce qui les caractérise? Ce sont des paroles violentes. Et pourquoi c'est si important? Parce que quand vous avez la haine et que vous voulez vous battre, mieux vaut prendre une feuille de papier et écrire. Trouvez les mots qui font naître l'émotion en vous, une émotion plus positive.